how I looked at you. Can you still hear my heartbeat? Was the smell of me? Left behind. Thank you. Radio Méditerranée. We'll be right back. Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Eh bien voilà, ami auditeur de Radio Méditerranée VAR, avec le Trompa qui vient de rentrer là, en surprise, nickel. C'est la fin de cette session du son de l'underground. J'espère que vous avez apprécié. 3 heures de techno spécial Good Vibes, donc de la techno plutôt qui s'écoute, tranquille, pas trop de techno de fatigué. C'est un son qu'on va produire de toute façon avec David Air aussi, en house, en disco et en techno. Voilà, c'est le label Good Vibes. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a bien plu, ces 3 heures de mix. C'était plutôt épique et mélodique. Quoi vous dire, il n'y a pas trop d'événements en ce moment, ça c'est sûr. On va parler de Sutronic, alors vite fait quand même, parce que quand même, faut que j'arrive jusqu'aux 20h, parce que sinon après, voilà, on va avoir du parasitage. Mais donc, Sutronic, ben, voilà, c'est en place. Il y a une programmation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Des programmations dans la semaine avec des emphases. En fait, vous avez tous les jours de 6 à 9 du chill out, ça c'est les rendez-vous quotidiens. De 18h à 20h de l'afterwork électromix, ça c'est quotidien aussi. Et puis la nuit aussi, de minuit à 2h, vous avez du deep raving et de la pure techno en mix de 2h à 6h. Ça c'est tous les jours. Après les thèmes, le lundi, vous êtes sur de la nu disco house, que ce soit des morceaux ou des mix toute la journée. En dehors donc des horaires que je vous ai donné là. Le mardi c'est Deep House, le mercredi c'est Tech House, le jeudi c'est Progressive House, le vendredi c'est Techno, et tout le week-end par contre c'est 100% mix. Voilà pour le cadre. Après on a une petite surprise, il va venir le 11, le vendredi 11, il y aura Lulux et son crew qui vont venir faire une petite soirée. On sera là de 20h à minuit je pense, en démarrant sur de la minimal trip-hop et en finissant avec vraiment de la hard techno, quelque chose que je joue pas ici. Mais voilà, ça y est, Sutronic, bah, c'est là pour ça aussi, pour ouvrir. Donc un petit bonjour à Lulux qui nous a gratifié d'une super vidéo avec drone et autres au-dessus de la mairie de Sanary. Voilà, des gens que l'on veut connecter avec Sutronic, car c'est Sud et c'est Tronic. Et bah, je vous souhaite une bonne semaine en tout cas, et je vous laisse avec la playlist, parce que le Trompa après va s'énerver.